En Corée, des fermes font grand cas de la culture maraîchère en serre. Les fermes coopératives maraîchères de Changchun de l'arrondissement de Sadong et de Chungdan de l'arrondissement de Langnan, ainsi que les autres fermes de la ville de Pyongyang, ont cultivé des légumes de plus de 3 fois par rapport à la même période de l'année dernière pour en ravitailler des magasins de la ville. Tous les producteurs de légumes en serre du pays, notamment les fermes coopératives de Migok de la ville de Sariwon, province du Fang et du Nord, et de Unra de l'arrondissement d'Unjeon, province du Pyongan du Nord, cultivent des plantes reposant sur des données sur le changement de la température selon la variation de la forme de serre et adoptent des méthodes de culture conformes à la saison.